Somos los perros que salen del gueto. Si nos falta de respeto, sacamos los fierros sin miedo. Somos los perros que salen del gueto. Si nos falta de respeto, sacamos los fierros. Frère, je ne dors que d'un œil. L'autre protège ma mère. Fils de pute, ramène 15 ennemis. Je vais miser sur moi-même. Pourtant, j'ai vu mon futur dans le passé d'un gosse sans avenir. C'est fumé, c'est facile, se rendre, c'est plus dur. Dans tous les cas, je couvrirai ton navire. Tu peux radier, connais quoi. À ta place, fais mieux d'y rester. Frelon, c'est vrai, tu parles beaucoup. Tu vas faire quoi si mon Glock te manque de respect. Sans frontières comme les passeurs. Classique comme les blazers. Fais le fou, parle mal de la mif. J'allume ton daron sur le phaser. Wrong, really, wrong. J'te check sur un wheeling. Qui me trahit, qui m'aide. Qui me hate et qui m'aime. Caron, pourquoi tu jacques? T'es en voie d'extinction comme les skinheads. La mort n'est qu'une bâtarde. Mais la vie n'est qu'une grosse pute. Par amour, j'déplace des montagnes. Par haine, j't'enterre là-bas sans scrupule. J'mise pas trop sur les bracos. Mes péchés sentent le parcours. Fato, j'ai trop d'ambition. J'crois dans un pis, j'me paye un bateau. Somos los perros que salen del gueto. Si nos falta de respeto, sacamos los fierros sin miedo. Somos los perros que salen del gueto. Si nos falta de respeto, sacamos los fierros. Ressens-tu l'agonie? C'est la dépression que nos parents traînent. Si c'est pour finir alcoolique, pas les coups d'atteindre la quarantaine. Aussi sur dans The Wire, Marlo Stein, file des temps connard. Un pneu, un peu d'essence, un molard. Ça va chier comme rock'n'roller. Les rappeurs sont trop à fond. Même en dort, moi lâche par leur mic. Mais fais pas trop le mec de la rue. Tu sens protégé comme un quarterback. Cuisine, viens pas me pépon. De façon, y'a rien à tes gras. Mais pour toi, c'est la même. C'est tes stocks ou tête, tes casques intégrales. J'suis venu faire la requête. Caron, c'est le blackout. Prépare le placard. T'as le style d'un Gamcon, j'ai le swag d'un AK. Dis-moi avec qui tu traînes. Vers le fond, j'te dirai qui t'entraîne. Ici, c'est chacun pour soi. Mais ces putains de deux traits voudraient qu'on s'entraide. Poto, tu cherches la rodka. La face, dis-nous, on va t'en mettre. Tu crames le fil au bâtard. Boum, j'te rends, tu frappes des 30 mètres. Toujours avoir le bon plafond. Toujours avoir le bon feeling. Prends pas ma patience pour de la faiblesse. J'pense juste à comment je vais te finir. Somos los perros. Salen del gueto. Si nos falta de respeto, sacamos los fierros sin miedo. Somos los perros que salen del gueto. Si nos falta de respeto, sacamos los fierros sin miedo. Falco Tinola. Los perros malditos que cantan pa' tu barrio, pa' tu zona. Mi familia es grande. Si buscas problemas conmigo, con mis primos, vas a tener que ser un real maleante. Te lo dice el perro del bloque que viene, que sale de América Latina, hermano mío. Represento a 100% cada barrio, cada esquina que intenta cada día de salir pa'lante, brillando como un diamante pa' mi gente. Somos los perros salen del gueto. Si nos falta de respeto, sacamos los fierros sin miedo. Somos los perros que salen del gueto. Si nos falta de respeto, sacamos los fierros sin miedo. Somos los perros que salen del gueto. Falta de respeto.